Moi je suis content quand les refrains vont mieux. Ça monte à poids sur le beat. Fatigué de ces nouvelles qui laissent un pas sourdi. Je crois qu'on fait rien à part survivre ou du moins essayer. Tout comme un bouc aurait un bec de lièvre en plus de bégayer. On me dit écoute ton cœur, mais les enceintes grésillent. Je laisse des empreintes de grizzly avant que ma fin s'édite. Je reviens me caler au flop même sans avoir une main qui brille. Si je te dis que je m'arrache les tripes, c'est que ma branche est triste. Mon rap c'est vie la nuit, entre quatre murs ou dans les villes voisines. Quand je veux une qualité d'album comme il m'indique. Non y'aura pas de magie, que du taf et du temps. Un vécu si en deux, comme je lassais du ventre. Ramener du temps, impossible de s'habiller, tant miette, tant de verre. Il a pas résisté, brisé tout net. Depuis le temps de guerre dure, et à force s'allonge pour laisser griller sa rage. L'homme il raccorde sa honte, la mort s'arrange. Ça fait planquer des photos sur album, au lieu de les mettre dans le salon. Je tenais à dire avant que ça gronde qu'on prendra aucun titre. Mais qu'on a prévu de mort autant qu'un requin tigre. Oui, je connais les sales trucs, les saluts bizarres et ça me tue. Petit, j'avais déjà des problèmes d'adulte. Les bons moments nous semblent illusoires. La souffrance n'est jamais loin quand vient un speed du soir. Les sales moments où le phare éteint à l'abri des regards. Ne laisse aucune chance à nos rêves d'éradiquer le mal. On marche droit sans faire de slalom. On aime quand la musique tourne sans être une salope. On fait le taf barricadé comme Gavroche. À l'aise dans l'ombre, va pas t'étonner qu'on charbonne. Accordez vos violons, je connais la musique. C'est parmi les requins que nous évoluons. Une leçon pour chaque cicatrice. Comme tout le monde, j'avance au gré du sort et de ses caprices. Des terres comme un blédard qui part au charbon. En sortie de pub, les bobos brisent sous les clochards pions. Qu'est-ce que ça peut me faire que les rumeurs pleuvent? Moi je suis en quête de vérité comme l'agent Mulder. Mon phrasé en devient ordurier. Poésie dépressive d'un esprit torturé. Pas d'arc-en-ciel sous ma grisaille. Et je me demande combien de temps mon calvaire va encore durer. Moi et leur game, c'est pas le même son de cloche. Que les groupies aillent faire des fonds de gorge. Aucune nouvelle de la joie depuis qu'elle m'a dit à plus. Superflu sont les dossiers pour faire chanter ma plume. En compagnie de ma rime d'autis, j'écris pas les choses sur tous les toits comme dans Mary Poppins. Ma trajectoire est immaîtrisable. J'ai mes travers, mais je suis pas ce qu'on appelle un mec méprisable. Je me raccroche à l'insaisissable et reste de marbre alors que le chétan me dévisage. Ici rares se font les services. Je retombe sur mes pas tel un chat, mais je me serais passé d'avoir cette vie. Les bons moments nous semblent illusoires. La souffrance n'est jamais loin quand vient un speed du soir. Les sales moments où le phare éteint à l'abri des regards. Ne laisse aucune chance à nos rêves d'éradiquer le mal. On marche droit sans faire de slalom. On aime quand la musique tourne sans être une salope. On fait le taf barricadé comme Gavroche. À l'aise dans l'ombre, va pas t'étonner qu'on charbonne.